Sudec Web. Dia sur Sudec Web. Sudec Web, les infos. Les informations présentées par Daniel Giacomella. Bonjour Daniel. Bonjour Romain, bonjour à tous. Carburant, le gouvernement peine à éteindre l'incendie suscité par la flambée des prix. Désormais, il n'écarte plus des mesures pour atténuer la hausse des taxes sur laquelle se concentre la colère des Français. « Je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail », a déclaré Emmanuel Macron, en ouvrant toutefois la voie à un accompagnement de l'État. Leclerc et Carrefour ont par ailleurs annoncé vendre le carburant à prix coûtant ce mois-ci, entendant bien tirer profit de la situation. Celui qui tire la croissance, c'est le consommateur. Aujourd'hui, cette grogne est légitime, a déclaré le président de Leclerc dans la matinale de France Info. Emmanuel Macron en est à son deuxième jour du long périple des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Lors d'une cérémonie solennelle, le chef de l'État s'est recueilli devant le monument dédié aux soldats tombés glorieusement dès le début de la guerre au mois d'août 1914. Quelques 40 000 soldats français avaient été tués durant des combats acharnés alors que les forces françaises tentaient de reprendre l'Alsace-Moselle aux Allemands. Le président est encore attendu dans 9 départements dans les 4 prochains jours. Un gendarme de la garde républicaine a été retrouvé mort ce matin dans les jardins de Matignon. La thèse du suicide est privilégiée. Le corps du gendarme de 45 ans a été découvert aux alentours de 9h30 avec son arme de service à ses côtés. Informé de l'événement, le Premier ministre a adressé à la famille du défunt ses condoléances ainsi que son soutien aux camarades du gendarme et à l'ensemble du personnel de Matignon. Marseille, effondrement de 2 bâtiments en fin de matinée dans un quartier populaire du centre. Les raisons de la catastrophe restent inconnues. Pour l'instant, seuls 2 blessés légers sont recensés. En milieu de matinée, d'importants moyens étaient déployés devant les 2 bâtiments écroulés à 2 pas du Vieux-Port. Quelques 85 marins-pompiers et 2 équipes cynotechniques sont mobilisées. International à présent, la police espagnole a annoncé l'arrestation d'un passeur aujourd'hui. Il s'agit d'un Gambien âgé de 24 ans. Il est accusé d'avoir causé la mort de 20 migrants africains, noyés en tentant de gagner l'Espagne dans un canot pneumatique. Arrêté à la mi-octobre à Almeria, il a été placé en détention provisoire. Il est accusé d'homicide par imprudence envers les 20 passagers de l'embarcation morts ou portés disparus. Au Cameroun, 82 personnes, dont 79 élèves, ont été enlevées dans la région nord-ouest du pays. La zone est en proie à un conflit armé entre les séparatistes qui réclament l'indépendance des zones anglophones et les forces de sécurité camerounaises. Et enfin, météo. Aujourd'hui, retour des douceurs et du soleil sur une grande partie du territoire. Seules les côtes sud-est et ouest sont en proie à la grisaille et aux averses. Côté température, la tendance générale est entre 13 et 19 degrés avec 17 à Paris, 11 à Strasbourg, 13 à Brest, 16 à Bordeaux et Toulouse et enfin 17 à Marseille. C'est la fin de ce flash. Retrouvez Romain Frappereau avec l'heure média. Merci Daniel, on vous retrouve tout à l'heure à 16h40. La Commission nationale ne s'est pas opposée à la diffusion de l'émission que vous allez voir. Sur Studek Web. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. T'es quand même vachement calé niveau média, toi. Mais non, je prends juste le temps d'écouter leurs médias sur Studek Web. Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est généralement, c'est un avertissement. Les médias ceci, les médias cela, moi je m'y perds. Sarkozy se fixe comme programme d'être le futur caniche. Dans leurs médias. Zitrone, ce vieux larbin. Merci mon lapin. Il repasse toute l'actualité média sur un fond de légèreté. Oh merde. Quoi ? Les miasmes me remontent au narine. Écoutez, on est à la télé française. De 16h à 17h, tout est expliqué sur Studek Web. Je pense que ça n'avait pas perdu 1h15. On serait là depuis 1h15. Dans leurs médias, et c'est aussi les tiens. Mais c'est vrai, quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Bonjour et bienvenue dans l'heure média. Ravi de vous accueillir dans l'émission. C'est une toute nouvelle émission consacrée pour une petite heure à vos médias préférés. Avec moi, j'ai une équipe. Ils sont là pour vous décrypter l'actualité média. Et également répondre à vos questions. Pour cela, j'ai Robin. Bonjour Robin. Bonjour Romain, bonjour à tous. Passez un bon week-end. Très bon week-end, oui, excellent. Avec vous, on reviendra sur une année, précisément sur l'année 2006. Oui, c'est ça, avec Tout le monde veut prendre sa place. Il passe tous les midis sur France 2, également le journal des médias. Le journal des médias, oui. Et on reverra Danse avec les stars, le clash entre Karine Ferry et Cyril Hanouna. Et on fera, bien évidemment, on parlera aussi des téléfilms de Noël. J'ai aussi avec moi Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Romain. On reviendra avec vous dans quelques minutes sur le portrait d'un animateur, celui de Nikos Aliagas. Effectivement, donc qui n'est pas qu'un simple animateur et journaliste TV, c'est aussi un photographe. Il apportera aussi une touche sérieuse dans cette émission, pendant toute l'émission, c'est Théo Andrieux. Bonjour Théo. Bonjour Romain. Avec vous, on abordera les audiences télé d'hier soir et puis on fera aussi un point circulation toutes les demi-heures. C'est exactement ça. Studek Web, vous pourrez aussi réagir à tout moment sur nos réseaux sociaux avec la page Facebook Studek Web et également avec le hashtag Studek Web, leur média. Dans quelques minutes, c'est le retour de la musique avec Lenny Kravitz, L'eau sur Studek Web. Bon après-midi. Extrait de son dernier album, Lenny Kravitz sur Studek Web. Les avis s'opposent. Dans le d'accord, pas d'accord sur Studek Web. Aujourd'hui, on va parler d'une série que tout le monde connaît, Les Simpsons. Un personnage de la série a fait beaucoup parler cette semaine. C'est le personnage Apu. Donc, depuis quelques années, les apparitions de cet habitant d'origine indienne et dont le comportement était exagéré au point de redevenir caricatural, pardon, était très largement critiqué, à tel point qu'en 2017, l'acteur Harry Kondadolu a réalisé un documentaire The Problem with Apu, le problème avec Apu, où il était dénoncé ses stéréotypes. Cette décision du créateur Matt Groening ne satisfait pas les producteurs de la série, qui a fait part de sa colère en apprenant que le personnage allait être supprimé. Et puis hier soir, on a appris que c'était une fake news, elle a été démentie par un des producteurs. Alors ma question, est-ce que vous pensez que cette série est une série dans la caricature ou même voire dans la provocation, ou bien même, ou au contraire, pardon, c'est une série pour se détendre sans prise de tête. Non, c'est une série un petit peu américaine. D'ailleurs, il y en a énormément. Les Simpsons, en fait, c'est une série pour adultes. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, c'est des caricatures. Il y a énormément de choses qui sont là pour choquer. Mais en fait, le principe, c'est surtout de, eh bien, justement, de choquer pour pouvoir, transmettre des choses aux spectateurs. Ouais, exactement. Pour moi, c'est une caricature, mais il y a pas le moindre problème. Il y a pas que la communauté indienne qui est visée. Il y a beaucoup d'ethnies. C'est pas seulement la communauté indienne. Il y a aussi une caricature des Afro-Américains avec le personnage de Carl, par exemple. De tous les métiers, les médecins, les policiers, les professeurs, ils sont tous visés, tous clashés. Donc pour moi, c'est pas un problème. C'est global. Donc c'est pas centré sur la communauté indienne. Après, c'est une caricature des États-Unis. Hein. Les c'est Simpsons, ça, exactement. Ça regroupe tout un pays. C'est pas une seule ethnie qui est visée. Et... Oui, et puis je pense que s'ils ont viré Apu, c'était pas forcément que pour. Que pour ça. Enfin, personnellement, je pense que c'est parce qu'ils avaient plus d'idées de sketch et que Apu n'est pas supprimé. Hein. Voilà, il n'est pas supprimé. Hein. D'ailleurs, Matt Groening avait démenti. En fait, il voulait juste, en réalité, qu'il y ait en fait d'autres auteurs qui apportent une nouvelle vision de ce personnage-là. Eh ben, j'ai Christophe qui est du même avis que Robin. Tous les personnages sont des caricatures dans la série. Ah oui, c'est sûr. Moi, je suis d'accord aussi. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. Voilà. Bah, c'est très simple, le débat est clos. Et dans quelques minutes, on va faire aussi un point sur vos audiences télé. Sur vos audiences télé de hier soir. Puis on va aussi le journal des médias qui arrive tout de suite sur Studek Web. Le journal des médias avec Pau, programme Romain. Alors aujourd'hui, Romain, à l'affiche, les téléfilms de Noël refont leur apparition sur TF1 et M6. On reviendra sur ce qui s'est passé entre Touche pas mon poste et Karine Ferry. Et on fera un point complet sur Danse avec les stars qui a lieu ce samedi soir sur la première chaîne. Mais on commence avec les téléfilms de Noël qui font leur grand retour. On développera ça dans quelques minutes. Juste avant, c'est Jason Derulo sur Studek Web. Tired of back and forth, walk out and I slam that door. Go looking for someone new, but there's nothing better than sex with you. Hell no, no, we can't be friends. We're out of the benefits. Never been a jealous dude, but who the hell is that texting you? I'm feeling like this is the opposite of love, but we know opposites attract. I want you bad. It's so dysfunctional between the two of us. You tell me this and never. Then I call you mine. Never been a lonely girl, but let me know I'm the only girl. Too quick with the clap back. Love your attitude. Leave me, then come right back. Like you always do. I'm feeling like this is the opposite of love, but we know opposites attract. I want you back. It's so dysfunctional between the two of us. You tell me this will never last. You want me back. Vous nous rejoignez à l'instant, c'est l'heure média jusqu'à 17h sur Studek Web. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de développer le journal des médias, on va commencer par faire un point sur les audiences d'hier soir avec vous Théo. Oui Romain, hier soir c'est France 3 avec les enquêtes de Vera qui a attiré le plus de téléspectateurs. 4 650 000 personnes ont suivi hier la série policière britannique, soit quasiment 20% de part d'audience. Juste derrière, c'était TF1 qui diffusait le film Die Hard, Belle Journée pour Mourir de John Moore. Le cinquième opus de la saga d'action avec Bruce Willis a rassemblé plus de 4,1 millions de téléspectateurs. En troisième position, assez loin derrière, le magazine Zone Interdite sur M6 a intéressé plus d'1,8 million de Français. Et il rate le podium, c'est le film GoldenEye sur France 2 qui a seulement rassemblé 1,7 million de personnes. Le James Bond avec Pierce Brosnan n'a totalisé que 8,2% de part d'audience. On peut également noter le bon score d'Arte, diffusé le film d'Elisabeth avec Kate Winslet. 916 000 téléspectateurs au rendez-vous. Merci Théo, on vous retrouve dans quelques minutes pour en savoir plus niveau circulation. Alors Robin, c'est à vous avec votre journal des médias. De quoi allons-nous parler ? Alors aujourd'hui Romain, à l'affiche, les téléfilms de Noël refont leur apparition sur TF1 et M6. On reviendra sur ce qui s'est passé entre Touche pas à mon poste et Karine Ferry. Et on fera un point complet sur Danse avec les stars qui a lieu ce samedi soir sur la première chaîne. Et on commence avec les téléfilms de Noël qui font leur grand retour, ça vous avait manqué. Pour moi, pas vraiment, car pendant plus d'un mois et demi, TF1 et M6 bousculent leur programme de l'après-midi pour vous faire vivre la magie de Noël. Paysage féerique, Père Noël à gogo, les héros de Disney comme Cendrillon, les cadeaux avec des enfants heureux, bref, tout pour que vous puissiez passer un joyeux Noël sous le sapin le jour venu. Alors la période de Noël est aussi une véritable aubaine pour ces chaînes, car elle leur permet d'accéder à leurs téléfilms sur Noël, mais en rapport avec la vie sentimentale ou même la vie familiale. Dans tous les cas, rendez-vous demain et désormais tous les après-midi sur TF1 et M6 à partir de 13h50 pour vos téléfilms de Noël. Maintenant, on va passer à une affaire beaucoup moins drôle puisque des photos dénudées de l'animatrice Karine Ferry ont été dévoilées mercredi soir sur C8 dans Touche pas à mon poste sans son accord préalable. Choquée par celle-ci, elle décide donc d'entamer une action en justice contre l'émission et l'animateur lui-même. Le jeudi matin, le groupe TF1 a publié un long communiqué de presse dénonçant les agissements de Cyril Hanouna et de la chaîne C8. Par conséquent, TF1 a donc décidé de saisir le CSA alors que Karine Ferry, elle, a lancé une mise en demeure. Suite à cette affaire, elle décide de quitter donc le réseau social Twitter et ne verra pas les excuses de Cyril qui dit « Tu as quitté Twitter pour l'instant, donc si tu me lis, bravo pour The Voice Kid et tu sais que je pense très fort à toi. Ne te laisse pas instrumentaliser par des gens mal intentionnés. Jamais on a eu l'intention de te nuire, bien au contraire. Fin de l'histoire », écrit-il sur le réseau social Twitter avec un émoticône cœur. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ici autour de cette table, de l'affaire Karine Ferry et Cyril Hanouna? Ça vous choque quand même ou pas? Alors j'ai pas vu l'extrait, je pourrais pas te le dire, et j'ai pas vu les photos. Bon après, est-ce qu'on a forcément envie de les voir? Ça c'est une autre chose. Oui. Mais pour moi, je pense que diffuser quelque chose, déjà l'image entre guillemets, et en plus des images dénudées pour quelqu'un, enfin qui n'a pas donné son accord au préalable, c'est totalement irresponsable et irrespectueux. Voilà. Et juste pour vous rappeler aussi que c'est Jean-Philippe Janssen qui a quitté Danse avec les stars ce samedi. Voilà Romain pour ce journal des médias. Je vous rappelle qu'il vous reste encore quelques minutes pour vous inscrire au C'est qui c'est quoi pour tenter de remporter votre pack StudiaQuab. Alors restez bien avec nous. C'est juste après ça sur StudiaQuab. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de StudecWeb. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous demandons de nous accorder votre attention. Merci de vous installer paisiblement dans vos sièges et de monter le son de votre radio. Pour passer un agréable voyage en notre compagnie, nous vous recommandons de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, StudecWeb. En cas de dépressurisation des ondes, merci d'attraper votre ordinateur qui se trouve sous votre siège et suivez-nous en vidéo sur le site www.studioecoledefrance.com. Merci d'être avec nous, c'est l'heure média jusqu'à 17h. Dans quelques minutes, on va parler de Nikos Aliagas avec vous, Robin. Pardon, avec vous, Adrien. Alors oui, en fait, alors on a un problème, c'est que Romain, Adrien et Robin, on va forcément se tromper un moment. Ah bah ou un totalement. Autre. Mais oui, effectivement, Nikos Aliagas, en fait, qui fait une exposition actuellement, bien justement, sur le parvis de la Défense. Donc n'hésitez pas à aller voir, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et puis pour la musique qui se prépare, il y a Madame Monsieur avec leur titre Merci. Et puis également, le c'est qui, c'est quoi, c'est quoi? Eh bah, c'est quoi? Bah, justement, on va le deviner. Voilà. Voilà. À deviner, vous pouvez toujours vous inscrire pour remporter quoi? Alors, je crois que c'est un pack StudecWeb, si je me trompe pas, avec des dédicaces, un des mug. Cadeaux. Voilà, c'est ça. Et puis, des flyers, enfin, plein de petits cadeaux comme ça pour. Et pour c'est remporter. Rien que pour vous, une voix mystère à découvrir. C'est les deux personnes qui sont à côté de moi, Adrien et Robin, qui vont vous découvrir cette voix et peut-être remporter votre pack StudecWeb. Peut-être. Eh bien, peut-être, on le saura dans un petit instant. Studec Web, les infos. Les informations avec Tony Boulanger. Bonjour Tony. Bonjour Romain, bonjour à tous. Après l'effondrement des deux immeubles à Marseille, les recherches se poursuivent. Près de 85 marins-pompiers recherchent toujours d'éventuelles victimes sous les décombres. L'écroulement a fait au moins deux blessés légers parmi des passants. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, affirme qu'un des deux immeubles était fermé pour cause d'insalubrité. Mais dans le second bâtiment, 9 appartements sur 12 étaient habités. D'autres immeubles proches des deux bâtiments qui se sont écroulés risquent aussi de s'effondrer. Les recherches sont donc ralenties. Gérard Collomb, de nouveau maire de Lyon, il a obtenu 41 voix sur 73. Son prédécesseur, Georges Képénékian, avait démissionné pour lui laisser sa place. Gérard Collomb a quitté son poste de ministre de l'Intérieur le 2 octobre dernier. Il s'est exprimé affirmant devoir cette victoire à son prédécesseur, Georges Képénékian. Les ambulanciers ont bloqué le périphérique parisien ce matin. Plusieurs centaines d'agents ont bloqué le périphérique parisien et l'autoroute A4. Ils ont protesté contre la réforme du financement des transports sanitaires entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Cet article prévoit que le coût du transport des patients serait désormais à la charge des établissements de santé et non plus des patients. En Italie, les inondations meurtrières mettent en lumière les constructions illégales. En Sicile, les inondations ont provoqué la mort de plus de 30 personnes. La maison d'une famille de 9 personnes a été submergée par les eaux. Le drame a relancé le débat sur les constructions illégales. La maison avait été construite sans permis et trop près de la rivière et faisait l'objet d'un ordre de démolition. En Italie, près de 20 nouveaux bâtiments sur 100 n'ont pas de permis de construire. Route du Rhum, Sébastien Josse a perdu ce matin une partie de son flotteur. Il navigue donc à allure réduite. Un gros dégât qui survient avant la tempête de demain. François Gabart tient toujours la tête de la course. Derrière lui, à 40 km, Armel Lecléac qui est revenu dans la compétition après un arrêt express d'une demi-heure hier soir pour une réparation technique mineure. Côté météo aujourd'hui, le ciel est très nuageux à l'ouest. À l'est, de rares éclaircies se font présentes. Les températures sont en hausse, il fait entre 11 et 19 degrés. Il fait 19 degrés à Ajaccio, 11 degrés à Nantes, 18 degrés à Troyes et 15 degrés à Lille. C'est la fin de ce flash. Retrouvez Romain Frappeau et toute son équipe dans leurs médias sur Studec Web. Merci Tony, on vous retrouve tout à l'heure à 17h. Studec, l'infotrafic. Niveau circulation, ça commence à se charger, Théo. Ah, alors on me dit que votre micro n'est pas allumé encore. Excusez-moi. Donc oui, je le disais, 4 incidents à vous signaler en ce moment même en Ile-de-France, dont un accident sur l'A113 à Paris-Provence, de Saint-Cloud vers Vaucresson. Deux véhicules légers sont appliqués, la voie de droite est fermée et la bande d'arrêt d'urgence également. Nous avons un autre accident à vous signaler sur la 6A de Provence-Paris. Un véhicule léger et un poids lourd sont impliqués. La voie de droite est également fermée. Ah oui, c'est chaud, hein, c'est de l'actualité donc. C'est ça. C'est pour ça. Des véhicules en panne également. Donc sur l'A86, un véhicule léger est en panne sur la D40 vers la D115 et le début de l'incident a eu lieu à 16h06. Et voilà, donc 3 incidents à signaler en région parisienne. Merci Théo, on vous retrouve dans une demi-heure sur Studec Web. Le retour de la musique, c'est maintenant avec ceux qui nous ont représentés à l'Eurovision 2018. Madame, Monsieur, voici Merci sur Studec Web. Je suis née ce matin. Je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, accepter la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Je suis tous ces enfants que la mer a pris. Je vis surgissant d'une vague, un navire ami a redonné sa chance à notre survie. C'est là que j'ai poussé mon premier cri. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Madame, Monsieur, merci sur Studio Web. Lundi, portrait. Et pour cette première émission, Adrien, tu t'es intéressé à Nico Saliegas, qui n'est pas qu'un journaliste et animateur télé. Oui, ça c'est compliqué à dire. Et non, c'est aussi un photographe puisqu'il vient d'ouvrir une exposition à l'Arche de la Défense. Jusqu'au 6 janvier, il a sorti un livre aussi intitulé « L'épreuve du temps ». En gros, perché à 110 mètres au-dessus du sol, l'exposition présente des portraits d'enfants, de vieillards, de paysans, réalisés par l'animateur lors de ses voyages au Sri Lanka, à Cuba ou en Grèce, faisant de ces anonymes des œuvres d'art. Même s'il est né à Paris, ses parents sont des immigrés grécois. Son père était d'ailleurs tailleur de profession et sa mère infirmière. Quant au futur animateur, Nikos a eu une jeunesse encadrée par des prêtres orthodoxes. Il trouve un emploi à Radio France Internationale pour payer ses études de lettres modernes à la Sorbonne. Entre 1993 et 99, Nikos Aliagas est journaliste pour la chaîne Euronews où il devient un grand reporter politique et présente le journal de TMC. En 98, il est repéré par la productrice Estelle Gouzy qui l'engage pour une nouvelle émission de Christine Bravo, Union Libre. Et c'est entre 2001 et 2008 que Étienne Moujotte le fait venir sur TF1 pour présenter Star Academy. En 2007, il remplace Guillaume Lacroix à la présentation de 50 Minutes Inside aux côtés de Sandrine Quétier, qui quittera l'émission cette année, en 2018. Et il sort d'ailleurs un album de reprise la même année de chansons avec Nolwenn Leroy, Polanka et des interprètes grecs tels que Elan et Elena Paparizou. En août 2009, Nikos rejoint Énergie pour présenter la matinale de la station Le 6-9. Elle est l'invitée exceptionnelle du 6-9 de Nikos, la maman de Nikos. Mais je rêve ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là, maman? Rentre à la maison. Maman, rentre à la maison. Awards, en 2015 et en 2017, il a travaillé pour Paris Match et présente sur Europe 1 l'émission Sortez du cadre. En 2016, il passera en semaine avec De quoi j'ai l'air, une émission d'une heure avec un entretien avec un invité. Il remplace aussi Patrick Cohen sur la matinale d'Europe 1. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Toujours souriant, trois titres à la une. Bref, Nikos Aliagas est un grand passionné de médias, politique, lettres, de musique. Et de talent. Et de talent. Mais... C'est le mot de la fin. C'est sur Studio Web. Et puis, on a quelques petites réactions avec Ghislaine qui dit un grand monsieur que j'admire. Et puis également, Martine qui dit c'est toute ma jeunesse, de la Starac à The Voice. C'est vrai. C'est vrai, c'est sûr. Vous écoutez Studek Web, c'est l'heure média jusqu'à 17h. Dans 30 minutes, vous retrouvez le drive sur Studek Web avec Rémi, Dove et Romain. Au programme, un retour sur un titre mythique. Vous avez toujours voulu savoir comment votre titre préféré était créé. Avec Vinyl Story, vous en saurez plus. Des idées de sortie et des bons plans sont au programme. Également des cadeaux, notamment avec le jeu de la marche arrière. Vous pouvez déjà vous inscrire et puis tous les classiques de la musique sur Studek Web. Alors rendez-vous tout à l'heure à 17h sur Studek Web, 100% nouveaux talents. Saurez-vous retrouver l'animateur et son émission ? Le C'est qui c'est quoi sur Studek Web. Vous nous rejoignez un instant, soyez les bienvenus. Alors maintenant on joue le C'est qui c'est quoi, c'est un tout nouveau jeu. Vous pourrez gagner si vous êtes inscrit au début d'émission comme Stéphanie d'Épinal et Julien de Troyes. Pour les représenter autour de la table, Adrien représentant Stéphanie. Très bien, bonjour Stéphanie. Et Julien sera représenté par Robin. Bonjour Julien. Les règles sont très simples, vous avez deux minutes, pas une de plus pour retrouver la voix mystère qui se cache. Vous avez le droit de me poser des questions pour en savoir plus. Je vous propose d'écouter la voix mystère, mais avant d'écouter... Je vous propose de savoir le cadeau du jour. Alors le cadeau du jour, c'est un pack Studek Web avec des stickers, un mug, des écouteurs et une photo dédicacée de l'équipe. Fini le suspense, je vous propose d'écouter un extrait. À chaque fois que je vois une marque ou un produit, je peux pas m'empêcher de m'imaginer les gens qui ont bossé dessus derrière en réunion. Parce que parfois, ils prennent des décisions bizarres, ces gens-là. Ça me dit un truc grave. Oui, moi j'ai aussi. Déjà entendu. C'est un animateur. Non. Non, c'est une femme. Une femme, ouais. Non, ce n'est pas une femme. Non, c'est un homme, du coup. Oui. Un acteur, alors. Il a joué dans quelques films. Oh, mais c'est ouf. Il est jeune ou il est vieux, Romain? Ça dépend de votre point de vue, mais il est jeune. Est-ce qu'il a plus ou moins de 30 ans? Il a, oui, plus ou moins de 30 ans. Est-ce que c'est Florian Gazan? Pas du tout. Ok. Alors, j'ai dit en début d'émission, en début d'heure, que c'était pas un animateur. Oui, mais il est pas... Il est chroniqueur. Donc ça fonctionne. Il n'est pas chroniqueur non plus. Non, bon. Il est réalisateur ? Il fait quoi ? Oui, il est réalisateur. Il avait. Oui, il est réalisateur. Ah, il est français ? Ah, mais si ! Ah, oui. Il est français. Ah, si, je l'ai ! Ah, comment il s'appelle ? Alors, son média est YouTube. Oh. Pourquoi c'est. Non, c'est pas YouTube. Ah, si, c'est son média, c'est YouTube. Attends. C'est YouTube ? Oui. Il a inventé le mot narmol. Narmol. Ah bah Squeezie, Cyprien. C'est bien ça, c'est Stéphanie qui remporte son pack Studek Web. Bravo à elle et bravo à Adrien, tu pourras le remercier, je pense que tu l'as. Alors je pensais que c'était un réalisateur de films. Non, oui, mais il est réalisateur de plus de vidéos YouTube. En tout cas, bravo à toi Stéphanie. Voilà. Allez, maintenant c'est le retour de la musique après le jeu, c'est une nouveauté Studek Web, c'est The Prince Karma avec Laserbeat sur Studek Web. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. guess I'm not like wearing any underwear, so you know. Can I have another shot? Hey, before we get out of here, can you just do me one favor? Later, bitches. Vous écoutez l'heure média sur Studio Club, bienvenue, on est là jusqu'à 17h pour décrypter tous vos médias. Une année, un média. Et c'est parti pour décrypter un média. Aujourd'hui, on va retourner le temps, plus précisément il y a 12 ans, la toute première émission de ce jeu célèbre en France. Oui, effectivement, 3 juillet 2006, date de la première diffusion de l'émission quotidienne de France 2 tous les midis. Tout le monde veut prendre sa place. À la présentation, on y retrouve Nagui. Ce jeu a été créé par Jean-Michel Salomon et Romain Cousy. Alors avant de vous parler des règles, si vous voulez un jour vous être candidat autour de la table et détrôner le ou la championne, il vous faudra passer des présélections avec une première phase où l'on vous pose une cinquantaine de questions sur les différents thèmes de l'émission avant de passer par la suite deux entretiens oraux successifs devant les membres du casting. Donc si vous arrivez à faire tout ça, la production vous rappelle pour participer au jeu. Alors si vous ne connaissez pas les règles du jeu, elles sont simples, elles se déroulent en trois manches avec les qualifs, la compète et le défi. Les qualifs, 6 candidats, 3 hommes et 3 femmes. Nagui leur pose des questions de culture générale, 3 modes de réponse possibles. Duo, 2 propositions et vous gagnez 1 point. Carré, 4 propositions et 3 points. Et cash, vous formulez votre réponse et vous remportez 5 points. La compète, sur cette manche, les 4 candidats restants sont interrogés sur un thème dont l'intitulé leur a été donné avant le tournage sur lequel ils se sont documentés. Les candidats répondent à ce jeu en rapport avec les modes de réponse du jeu. À la fin de cette manche, le champion ou la championne choisit son challenger en choisissant sa question plus ou moins facile. Et le défi, c'est la finale du jeu où le ou la championne choisit un thème pour lui et son adversaire. Un thème pour son adversaire qui pourrait lui permettre de rester et d'empocher le maximum de points et donc d'argent potentiel. Et en cas d'égalité, c'est le champion qui reste sur le fauteuil. On va parler des grands champions maintenant grâce à vous. Le top 5? Oui, le top 5. On commence avec Enzo en 2017. Lui, il a remporté 138 victoires et une cagnotte de 132 200 euros. Quatrième position pour Stéphane en 2016 et ses 139 victoires pour 117 300 euros. Sur le podium, on retrouve Dominique en 2010. Je me souviens bien de lui. Il était aveugle et avait une très bonne culture générale. Ça lui vaut une troisième place avec ses 150 victoires et ses 160 000 euros. Deuxième position pour Julien en 2013 et ses 154 000 euros. La meilleure des meilleures, c'est Marie-Christine qui est toujours d'ailleurs la championne du programme avec 189 victoires et 191 500 euros. Alors une seule adresse si vous voulez voir son parcours, c'est sur France 2 tous les jours à 11h55 avec Nagui. Merci Robin, grâce à toi on en sait plus sur ce jeu. Tiens, dites-nous sur les réseaux sociaux, ce que vous pensez du retour de ce jeu à la télé. On attend vos messages. Voilà, page Facebook Studec Web ou sur Twitter. Le hashtag Studec Web. Dans quelques minutes, on va vous dire ce qu'il y a de bien à la télé. Ouais, et puis surtout ce qu'il y a eu hier soir. Le Zap Télé qui débarque. Le Zap Télé, le Zap Zap. Puis on sera venu vous voir aussi dans la rue, voir vous répondre à vos questions existentielles. On vous en dit plus dans quelques minutes sur Studec Web. Studec Web, les infos. Les informations présentées par Daniel Jacomeda. Bonjour. Bonjour Romain, bonjour à tous. La plateforme citoyenne lancée fin mai par le gouvernement sur sa réforme des retraites a récolté plus de 35 000 contributions et 230 000 votes en ligne, selon un communiqué de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Parmi les thèmes les plus débattus figurent l'universalité du futur système des retraites, les conditions de départ et la pension de réversion. Le communiqué souligne que les 15 contributeurs les plus actifs seront invités à rencontrer le haut-commissaire à la réforme des retraites.

Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Un peu de douceur sur Studek Web. Amir, longtemps sur Studek Web. Este domingo solo por Univision. Ah là là, il y a vraiment rien à la télé, c'est chiant. Ah mais attends, il y a Zap TV sur Studek Web. Alors avant de savoir ce qu'il se passe à la télé ce soir, on va commencer avec le zapping avec vous Adrien. Effectivement, j'ai un petit peu regardé les émissions de télé hier soir et je suis tombé sur des choses pas terribles, enfin des choses choquantes on va plus dire ça. Par exemple 66 minutes sur M6 qui présentait un reportage sur l'homophobie. À chaque agression, ce militant gay filme dès qu'il peut avec son smartphone quand il est attaqué. Comme ce jour-là près de chez lui, à Gennevilliers, en banlieue parisienne. Et alors je vous le rappelle, hein, parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais être homosexuel c'est tout à fait naturel, ça a été même prouvé par la science. Qu'est-ce que vous en pensez vous autour de la table, Robin et Romain? Je pense qu'on est au 21e siècle. Et il y a encore de l'homophobie, je trouve ça pas normal. On a juste l'impression que ça diminue pas en fait, c'est dingue. Enfin, ouais. On pourrait croire qu'avec avec les mentalités qui évoluent, ça pourrait diminuer, mais on a toujours autant de cas dans les faits divers comme ça, enfin, c'est absolument dingue. Et bien d'ailleurs, c'est vrai que les mentalités n'ont pas changé, surtout avec la télé-réalité, les Marseillais versus le reste du monde. Petit indice, aujourd'hui... On va se salir. Je vais tester vos méninges. Hein ? Ça veut dire quoi ? Mais quoi, nos méninges ? Le ménage ? Mais quoi ? J'ai pas envie de faire du ménage, moi, qu'est-ce qu'il raconte ? Et donc oui, effectivement, Carla qui ne sait pas entre le méninge, les ménages. Enfin bon, bref, je crois que ces émissions, ça va pas changer en fait. C'est de plus en plus bas. Taux de culture générale élevé. Par contre, malheureusement, il y a eu Muriel Robin qui s'est confiée lors des Terriens du dimanche sur le fait qu'elle soit gay, bi, etc. Et c'est assez triste. Je sais que les ados se disent oh là là, je sais pas si je vais être hétéro ou homo, je réfléchis. Bon, donc. Sur les filles, ça a l'air de moins gêné que pour les mecs. Mais c'était dur, toute seule. C'était dur à Saint-Etienne et c'était dur dans ce métier. Où... Finalement, aimer les filles et les garçons, c'est ça qui rend heureux, finalement, aimer sans limite. Moi, je trouve que c'est une chance. Mmh. Ouais. Je n'ai jamais aimé le « ou ». La mer ou la montagne, c'est impossible. C'est pour ça que je vais encore... Vous êtes comme Macron dans le... en même temps. Non, mais la mer et la montagne, les garçons et les filles. Et s'il y avait un troisième choix, je prendrais tout. Parce que, mon Dieu, c'est déjà tellement difficile qu'au moins, ouvrons l'espace, quoi. Donc... Moi, je trouve que c'est plutôt un cadeau de la vie. Mais oui, c'est un cadeau de la vie. Et oui, effectivement, aimer tout le monde, c'est cool. Le fin de ce zapping, on vous pas retrouve... Pas de barrière, c'est bon. Voilà. On vous retrouve demain, Adrien, avec un nouveau zapping. Non, on me retrouve tout à l'heure pour savoir ce qu'il y a ce soir. C'est pas faux. Vous qui êtes dans votre voiture, vous ne savez pas quoi regarder ce soir. Restez bien avec vous, parce que dans quelques minutes, on vous a fait une sélection de programmes. C'est juste après ça sur Studek Web. Vous avez toujours un coup de mou après le déjeuner ? On a trouvé la solution pour vous motiver. Fini la sieste, fini le café. De 14h à 15h sur Studek Web, on vous offre votre deuxième réveil de la journée. Au programme des infos vraies ou fausses, et parfois inutiles, le dose du jour pour débattre ensemble. Et en fin d'émission, vous pourrez tenter de gagner un pack Studek Web et une photo dédicacée par toute l'équipe en venant trouver un mot au jeu du booster. Le coup de boost, c'est lundi de 14h à 15h sur Studek Web. On commence cette sélection par une soirée spéciale Victor Hugo sur France 2. En 1848, Victor Hugo, le grand auteur, partage sa vie de famille avec ses trois enfants et sa femme Adèle, mais aussi avec sa maîtresse, Juliette, ainsi que d'autres conquêtes féminines. C'est un peu la star de l'époque, hein, mais après s'être déclaré en faveur du roi Louis-Philippe d'Orléans, il refuse l'aide d'Alphonse de Lamartine, qui est chargé de constituer le gouvernement provisoire de la future Seconde République. Il devient ennemi d'État. Un téléfilm qui nous replonge dans le passé grâce à de bonnes reconstitutions et à la performance de Yannick Choirat. Le peuple ne veut pas de la richesse, il veut la République. Ouais, ça traite de cette extraordinaire métamorphose d'un homme qui est monarchiste, conservateur, de droite, et qui bascule en 4 ans, 3 ans, vers la gauche radicale et l'exil. Ce désir de se rapprocher sans cesse du peuple, de se mettre à son service, de l'élever. Vous ne voulez pas du progrès, vous aurez les révolutions. Il sera d'ailleurs suivi d'un stupéfiant, le magazine de Léa Salamé, consacré à ce grand poète. Et une grande émission culte ce soir aussi. Les enfants de la télé sur France 4 avec les invités de Laurent Ruquier, Muriel Robin, Florian Gazan, Guillermo Guiz et Alix Poisson commentent l'actualité, mais aussi leur vie médiatique à travers des archives drôles et émouvantes et bien sûr un best-of de leurs bêtises à la télé. L'animateur passe également en revue les dernières images marquantes du petit écran entre deux pastilles humoristiques assurées par Christine Gonzalez et l'imitateur Marc-Antoine Lebray. Et pour terminer, un bon coup de flip avec le film d'horreur Ça. Wit en anglais, le film culte des années 90 se passe dans le village de Derry dans le Maine. Cet enfant ont été assassinés par la police, la police ne parvient pas à mettre la main sur l'assassin. Un homme est particulièrement angoissé, Mike Hanlon, qui est le bibliothécaire de la ville, car la situation lui rappelle des événements qui ont lieu 30 ans plus tôt. Des enfants avaient même vécu la même histoire. Parmi eux, Georgie, un adolescent timide et bagarreur à la tête d'une bande de copains paumés, dont Mike. Ils avaient tous vu le meurtrier, un clown sanguinaire aux yeux fous. Il flotte tout. Qui es-tu ? Je suis Kiki Blanc, je suis Mathieu Collin. Nous sommes tous les enfants morts. Approche-toi, mes amis. Nous voulons tous te connaître. Ce film est à voir ce soir 21h sur TF1 Série Film. Sauf pour les enfants, bien évidemment, car c'est interdit au moins de 12 ans. Évitez le cauchemar. Vous avez vos questions sur la télé, sur la radio, on vous répond dès maintenant. Vous êtes les acteurs de l'heure média. On répond à vos interrogations. On est venu vous voir ce matin dans la rue, vous vous êtes posé des questions sur des médias, on vous répond dès maintenant avec une première question d'Alexandra. Bonjour l'équipe, je voudrais savoir pourquoi sur France Télévisions il n'y a plus de pub après 20h. Alors c'est une loi que l'ancien président Nicolas Sarkozy, l'article 18 de la réforme de l'audiovisuel public a été adopté, débat à l'Assemblée nationale, mais une nouvelle loi sur l'audiovisuel pourrait remettre en cause cette réglementation d'ici la fin de l'année. Une autre question de Julie. Bonjour l'équipe, pourquoi il n'y a pas de film à la télévision les vendredis et samedis soirs ? Ce n'est que la stricte application de la loi, c'est un décret numéro 90-66 qui régule la diffusion des œuvres cinématographiques sur le petit écran. Les chaînes ne disposent que d'un nombre d'invités, d'un nombre limité de créneaux horaires disponibles pour proposer aux téléspectateurs des films. C'est pour réserver la diversité culturelle et soutenir l'industrie nationale et européenne de programmes audiovisuels et cinématographiques. En résumé, vous poussez à aller au cinéma. Une autre question de Vincent. Salut l'équipe, moi j'aimerais savoir pourquoi les prime time ça commence jamais vraiment à l'heure. La première raison est celle de l'audience, le pic ayant lieu à 21h10, toutes les chaînes tentent de se rapprocher au maximum de cet horaire pour attirer le plus de Français possible sur son antenne. Deuxième raison, ce sont aussi à cause de talk shows qui finissent de plus en plus tard. C'est aussi pour cela que les chaînes concurrentes attendent la fin de ces talk shows pour lancer le film. Et voilà, c'est toutes vos questions, on vient de vous répondre, on revient demain dans la rue pour répondre à vos questions. Et maintenant, on accueille l'équipe du Drive, le GPS. Bonjour Rémi. Bonjour Romain, salut toute l'équipe de l'heure média. Bonjour. Alors, au programme, qu'est-ce qui nous attend ? Le GPS, notre mission, c'est de vous ramener à la maison avec de la musique, de l'info et puis, très important, la route qu'on fait ensemble. Merci, vous êtes de retour demain dès 16h, c'est ça ? C'est bien ça, à 16h sur StudiaQueb. gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open for that the call is yours, keep closing home. Cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm begging, classique sur Studek Web, Matcom, Begin. On accueille dès maintenant l'équipe du GPS. Bonjour Rémi, bonjour. Salut Romain, bonjour Dove. Ah bah salut, salut. Alors avec Adrien, on se posait la question, qu'est-ce que le jeu de la marche arrière? Ah ça, notre spécialiste, c'est Romain. Oui, exactement. Bah, le jeu de la marche arrière, c'est pas très très compliqué. Hein. Il y a une année à trouver en particulier et une année à trouver grâce aux 4 indices que je vais vous donner tout au long de l'émission. Une année bien précise. Donc en fait, il faut écouter toute l'émission pour la deviner. Exactement. Mais bon, ça nous arrive de donner donc tous les indices, même fidèle, pour hein. ceux qui sont assez en retard. Ouais, on est quand même sympa. C'est plus facile si on écoute les 4 indices. C'est mieux. Ce qui m'intéresse, c'est le cadeau à gagner. Ah. Et bah, c'est un pack Studek Web et une possibilité de visiter les locaux. Et bah, à tout de suite sur Studek Web. À